La Corée fait promouvoir dynamiquement le perfectionnement au niveau plus élevé du système national d'entretien intégré d'électricité afin d'utiliser plus efficacement de l'électricité produite. Le ministère de l'Industrie électrique perfectionne davantage le système de production et d'entretien intégré de l'électricité dans toutes les centrales du pays d'une part et d'autre part veille à rehausser la sûreté dans la gestion du système électrique et à tirer du profit maximum avec l'électricité produite. L'intérêt majeur est également accordé aux recherches et exploitations de programmes de toutes sortes susceptibles de synthétiser et d'analyser minutieusement en temps réel la production de l'électricité et l'état de son ravitaillement en étroite liaison avec les unités intéressées tout en installant dans les centrales les dispositifs techniques d'entretien de l'électricité.